La fureur de lire. Adieu, poète. De Géo Dame. Œuvre publiée sous licence Creative Commons BYNC ND 3.0. Image de couverture Géo Dame. En lecture libre sur atramenta.net. Enregistré par Christiane Johan pour audiocité.net. La fureur de lire, adieu poète. Amilly, Eure-et-Loire, le 13 octobre 1990. Pour la fureur de lire, les enfants de l'école maternelle et du CP ont préparé des bandes de cartonnettes illustrées qui seront attachées à des ballons. À côté des petits dessins et collages, ils ont écrit leurs prénoms. Une étiquette portant le tampon de l'école sera collée dessus. Dans la cour, peu après, les ballons s'élèvent dans le ciel. Tous les petits minois admirent ces boules multicolores qui portent leur désir de lecture, leur rêve de livre. Volent les baudruches, emportées par le vent, vers l'inconnu, vers des lieux improbables, des destinations mystérieuses. Seront-elles trouvées ? Certaines le seront, et des courriers reviendront à l'école par ceux qui les ont attrapées. Isobel, comme ses camarades, a lâché son ballon. 14 octobre 1990. Claude Bovins, poète, écrit une dédicace sur son livre « Le chemin du retour ». À qui de droit ? Isobel. Pour le message découvert le 14-10-1990. Par un écrivain dans les campagnes sauvages de Nouvelle, près de Mons, Belgique. L'école d'Isobel reçoit le livre, le découvre avec les camarades de classe d'Isobel, puis le lui remet. S'en suivent des échanges épistolaires avec Claude Bovins. Aujourd'hui, 15 février 2019. Petite recherche sur Internet. Claude Bovins est décédé en janvier de cette année. Le souvenir de ce ballon de La fureur de lire lui est dédié. Voici un extrait de son livre « Le chemin du retour ». Morte douce, comme flottement d'ailes, d'oiseaux migrateurs, leur vol hante ma mémoire. Je me souviens, je ne suis pas né. Leur vol hante ma mémoire. Je reconnais le cercle d'ailes à l'heure de ma naissance. Les oiseaux migrateurs ne connaissent pas l'oubli. Ils réapparaissent dans ma nostalgie. Leur migration se fait dans mon souvenir. Ils sont l'ombre flottante du chemin du retour. Leur nid, mes horloges. Leurs étapes, mon sommeil. Claude Bovins. Adieu, cher poète migrateur. Vous resterez dans notre souvenir. Fin. Illustration musicale en plein vol de Pascal Krieg, du site musique-libre-cc.fr, tout droit réservé. Illustration du livre audio « Envol de ballon » par Hubert Guizou, tout droit réservé. Nous remercions Géodame, Pascal et Hubert.